Quand arrive un problème électrique, on est souvent désemparé. Alors, ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord, 1025 Première Avenue, l'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible. 40 ans dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord, 88-347-5103. Toute notre équipe salue le mois de l'arbre et de la forêt. On va parler de hockey avec Fabrice Fortin, la saison des Saguenay, jusqu'à ce que tu viens maintenant terminer. Salut Fabrice. Salut, ça va? Ça va bien. Fabrice, t'as connu, vous avez frappé une grosse machine. Je l'avais dit, Yannick, d'entrée de jeu, c'était comme David contre Goliath. Ça a été vraiment, j'avais eu une grosse opposition. Oui, on savait dès le départ que c'était une excellente équipe. Ils n'ont pas fini premier au classement général pour rien. Puis on s'était préparé en conséquence, mais malheureusement, ils ont été meilleurs que nous, puis ils ont gagné. OK. Sur quoi vraiment, là? C'est le talent, l'expérience? C'est quoi qui a fait la différence dans cette série-là, certainement? Les deux, probablement? Ben c'est sûr que si on regarde, mettons, les alignements sur papier, nous, on a beaucoup de jeunes joueurs. Puis, je pense que le trois quarts de l'équipe, là, il avait jamais joué une partie en série encore. OK. Puis, tandis que, mettons, eux, si on prend leur alignement, là, il y avait beaucoup de joueurs avec, oui, du talent, mais aussi beaucoup d'expérience. Puis, aussi, c'était facile de voir qu'ils voulaient gagner aussi vraiment beaucoup. Nous aussi. Mais je pense qu'ils l'ont emporté là, en trois matchs quand même. OK. Si on parlait un peu de Fabrice, ta saison, est-ce que t'es dans l'ensemble, t'es quand même satisfait de ta saison? Certainement, on me dit que t'as vraiment bien joué, tu t'es plus spécialisé côté défensif cette année. Est-ce que c'est vrai? C'est sûr que je me suis concentré avant la saison. Là, je voulais me concentrer surtout à avoir une bonne saison, être fier de moi, puis aussi essayer de prendre encore plus de confiance. Là. Ouais. Puis je pense que j'ai réussi. J'ai eu de la confiance aussi de. Mon coach avait confiance en moi aussi beaucoup, fait que pour moi, c'est une source de motivation. J'étais très content. J'ai travaillé fort toute l'année, puis écoute, quand je regarde ma saison, en général, je suis fier de moi. OK. Sur quoi l'année prochaine? Ça va être une année plus importante? Cette année, c'était de prendre de l'expérience pour les jeunes. L'an prochain, vous allez probablement plus progresser. Là. Donc, peut-être même gagner une ronde l'an prochain. Ça va être quoi l'objectif, peut-être? Je pense qu'on va être encore une fois. Je pense qu'on a 4 choix de première ronde au prochain repêchage. Ouais. Donc, je pense qu'on va être encore assez jeune. Ouais. Mais écoute, je pense que le but, ça va être encore de progresser puis de focusser sur la manière de performer. Puis, encore une fois, là, on va prendre l'expérience. Puis, ça va être ça. OK. Dis-moi, l'an prochain, toi, ton rôle va être plus offensif aussi, j'imagine? J'imagine. Je pense que je vais me concentrer à jouer une partie qui est intense comme je l'ai faite cette année. Puis je vais essayer aussi de procurer aussi de l'offensive tout en étant responsable défensivement, encore une fois. Ouais. Puis ça ressemble pas mal à ça. Là. OK. Qu'est-ce que tu vas faire cet été? Donc, j'imagine que ça va être de l'enseignement. Je veux dire, ça va être de la pratique. Ça va être beaucoup de gym également. Oui, comme à chaque été, je vais m'entraîner bon 5 fois par semaine. Je vais essayer d'aussi intégrer beaucoup de glace, plus de glace que les étés d'avant cette année. Okay. Pour arriver fin prêt là, pour mon année de 19 ans. OK. Ben, Fabrice, on va te souhaiter la meilleure des chances pour la prochaine été. On va continuer à te suivre avec les Saguenay l'an prochain, puis passe un bel été. Merci beaucoup. Fabrice Fortin de Saint-Félicien qui a terminé sa deuxième saison junior avec les Saguenay de Chicoutimi.